babor. Ekiri Gonzola, Jésus Magola. L'homme est petit, Dieu est grand, tout le monde le sait. Feliz. jaune des bassons, mes tendances très fortes. Charles Fonnier, Mama Pache.